sur j'annonce. J'annonce, si tu viens, tu repars pas. Tu sais, hap, j'ai des poteaux à Bagdad. Gros, j'brûle le rap, c'est franc. J'fais pas de chichi, si on me donne, je prends. Je prends, qui mon los, qui gros mon lusty. Il vient de Bosnie, bla. Zlatan, Djetanovic, dangereux, featuring, Briski, Zerovic. Gros, t'as un jazz, on est partant. On est partout, Ray, on perd pas de temps. 92, clan d'Atacan. 91, on avance en taclan. Gros, t'as un jazz, on est partant. On est partout, Ray, on perd pas de temps. 92, clan d'Atacan. 91, on avance en taclan. Je fais de la roue, si t'as plus de thunes, celui qu'on a pas. Il fera tout pour que tu deviennes son appart. Jusqu'à indiquer le commissariat. Moi, je veux arriver à mon but comme Nelson Mandela. Ici c'est rare que le pola frappe à ta porte. Ici c'est la barque, la PSU qui t'escorte. Hey, de mon cahier, j'ai que t'es trop gros. Parce que mes mots pèsent trop lourd comme ces numéros des gros gros. Chez nous y'a pas de court métrage. Mais des petits fermes, t'es pas dur et t'es tout drache. Nous meurtres des larmes de sang. Peu d'oxygène gros, s'amuse à faire couler le sang. Un flou de fou, une fois le fou gros. Délérique, se fout de quoi gros, à voler la foule. Je me passe tous dans le canon. Qui fait se loger dans la foule, c'est Brice Flo, calage qui coffre. Gros, t'as un jazz, on est partant. On est partout, Ray, on perd pas de temps. 92, clan d'Atacan. 91, on avance en taclan. Yes, on est partant, on est partout, Ray, on perd pas de temps. 92, clan d'attaquant. 91, on avance en taclant. Fox, c'est Bok, j'aime que ma famille aime mes potes. Dans tes oreilles, je décrache le miel Bok. C'est 992, de Crétel, sus. Règle des buts, demande pas à ta meuf si elle sus. Je suis pas un zoulou, je pense qu'à me saouler. Mais dans ce bitch, je vais péter sans manger de cartouler. J'ai ce qu'il faut dans le fut. J'coupe la main des flûteurs. Dans la poche j'ai toujours un tuteur. Si j'trouve pas tard, j'québra une clé de bras. J'ouvre ma guette brave, j'aime les keufs en pocket pile. J'tartine pépère, faut des pépettes. 9 à 9, 2 si tu kiffes pas. J'tartine bébête, nique les keufs. 10 la poliacop, hardcore. De longs jumeaux, à Malakoff. Nique la racrope, en tête j'caracole. Joue pas le canard avec ta meuf, yeah.